c'est comment comment. Et bien c'est maïs, c'est terrain. Déba, c'est maïs. C'est comment comment. Léo Tisté, c'est comment comment. C'est si qu'on dit quoi, c'est comment comment. Dédé Benjamin, il est si terrain. Déba, c'est maïs. Et il a, c'est comment comment. Tous les galliers, ils sont si terrain. Déba, c'est maïs. C'est comment comment. C'est maïs.